Chapitre 12e. Mario, ainsi qu'il l'avait annoncé en prenant congé de Faustine lors de sa première visite, ne manqua pas de se présenter chez elle le lendemain dans la matinée. Il fut introduit librement dans le salon, mais ce salon était vide. Il traversa la seconde pièce et pénétra dans une chambre plus petite qui était évidemment celle où la comtesse se tenait ordinairement. Cette chambre était également déserte. Le comte jeta les yeux autour de lui. Près de la fenêtre était un bureau à écrire, au-dessus duquel on voyait suspendue une aquarelle parfaitement faite et représentant le portrait d'Anne de là-haut. C'était une sérieuse, pensive et mélancolique figure. Mario la regarda longtemps. « Et quoi ? » se dit-il. « Lorsqu'on est assis à côté d'elle, lorsqu'elle dessine vos traits, peut-on avoir un air grave et aussi sévère ?» Puis il poursuivit son examen. Près de l'autre fenêtre était une table chargée de livres. Une large ottomane aux épais coussins garnissait un des côtés de la chambre. En face, on remarquait une grande glace à toilette, et au fond, des rideaux en étoffe unie, mais riche et élégante, formaient l'alcôve et cachaient de leurs plis nombreux la place où était le lit. Un demi-jour régnait dans cette pièce, dont le parquet était couvert d'un tapis soyeux. Une chambre est comme le vêtement d'une personne. Elle en dit beaucoup sur celle qui l'habite. Elle décèle ses goûts, ses habitudes, elle garde quelque chose de son être. Mario s'appuya sur le dossier d'un fauteuil et demeura immobile. Quoique seul, il lui semblait être en présence de Faustine. « Qui est là ?» demanda une voix douce, qu'il n'eut pas de peine à reconnaître et qui partait de derrière une porte restée entr'ouverte et qu'il n'avait pas d'abord aperçue. « C'est moi, madame, qui suis à vos ordres, » répondit-il. « C'est vous, monsieur le comte ?» dit Faustine, sans se montrer. « Eh bien, entrez ici !» Mario obéit à cette invitation. Il franchit la porte et pénétra dans une espèce de petit atelier de peinture dont les murs étaient garnis de tableaux, de plâtres, de gravures, et où l'on voyait, pour tout ameublement, une table et deux chaises encombrées de boîtes à couleurs, de pinceaux et autres objets semblables. Faustine, assise devant un chevalet, s'occupait à peindre un tableau. Elle ne se dérangea nullement pour recevoir ce visiteur. « Soyez le bienvenu, monsieur le comte, » dit-elle. « Prenez une chaise, asseyez-vous. »« Une chaise ?» répondit Mario en souriant et en cherchant autour de lui. « C'est assez difficile à trouver. »« Vraiment ? Eh bien, puisque vous n'en trouvez pas, veuillez repasser dans le salon et m'y attendre. Dans 10 minutes, j'aurai fini. »« Non pas, » dit Mario. « Je reste pour vous regarder faire. » Il se mit à genoux à côté d'elle, dans une attitude pleine de grâce naturelle. « Là, » reprit la comtesse, « vous voilà fort bien ainsi. » Il continua de promener le pinceau sur la toile. Mario leva les yeux et la contempla dans son costume d'atelier. Ce costume n'était pas fait pour relever les avantages de sa personne, et il n'était rien moins qu'élégant. Elle était coiffée d'un bonnet de batiste qui lui enveloppait complètement la tête et ne laissait pas sortir une boucle de ses cheveux. Elle portait une robe grise, très ample, qui ne lui dessinait nullement la taille, et un tablier de même couleur. Il n'y avait que Faustine qui put être jolie dans un tel négligé. Elle l'était, en effet. Mais on voyait qu'elle avait mis de côté les préoccupations féminines et qu'elle était tout entière à sa peinture. Elle ne parlait pas. Ses yeux ne quittaient pas le pinceau. Ses lèvres roses restaient entr'ouvertes, comme si elle eût prêté l'oreille à quelque conversation. Sa physionomie exprimait l'attention et le recueillement. À la fin, Mario se mit à regarder son ouvrage. « Une tête de mort » s'écria-t-il. « Bon Dieu, pourquoi avoir choisi un pareil sujet ?»« Pourquoi pas ?» répliqua Faustine tranquillement et sans détourner les yeux. « Mais vous ne savez rien de la mort. Jeune et belle comme vous êtes, c'est la vie que vous auriez dû peindre. »« Eh bien, soyez satisfait, j'ai voulu précisément peindre la vie. » J'avoue que je ne m'en serais pas douté. Si, vraiment, mais pour la représenter, je n'imagine rien de mieux qu'une couche de fleurs, et au milieu, une tête de mort qu'elle cache à moitié, de manière pourtant à ce qu'on puisse toujours l'apercevoir. J'ai commencé par celle-ci. Les fleurs ne tarderont pas à apparaître. Je les ai déjà esquissées. Vous avez raison, je ne sais rien de la mort, et même, je ne la conçois pas. Sortir de cette vie, je n'appelle pas cela mourir. C'est pour moi entrer dans une vie nouvelle. Nous devrons exister comme nous aimons, c'est-à-dire éternellement. Ceux qui ne sont pas imbus de cette idée n'entendent rien à la vie, rien à l'amour. Non, nous ne mourrons pas. Seulement, notre corps goûte dans la tombe un repos qu'il a bien gagné. Savez-vous que ce pauvre corps fait un rude métier ici-bas? Son association avec l'âme ne lui rapporte pas tout profit. Comme l'esprit, il a ses fatigues et ses souffrances. Et parce que les siennes durent moins et se guérissent plus parfaitement, on les multiplie sans pitié. L'esprit a des jouissances qui lui sont particulières. Il ne travaille pas toujours. L'autre est condamné à un travail continuel. Il est aux ordres de son associé qui agit en tyran avec lui. Il me semble voir un domestique, se tenant debout derrière la chaise de son maître, lequel maître se délecte en mangeant les meilleurs morceaux et lui laisse de misérables bribes. Aussi, qu'arrive-t-il ? Il vient un jour où le valet, rendu de fatigue et de mauvais traitements, dit à son seigneur « Cherchez un autre serviteur. Quant à moi, j'en ai assez. » Pendant que la comtesse devisait ainsi, Mario l'écoutait avec une attention mêlée d'étonnement. Faustine se montrait à lui sous tant d'aspects divers et changeait si souvent d'humeur et de langage qu'elle devenait pour lui une énigme toujours nouvelle. Ces brusques transitions de l'enjouement au sérieux, de la folie à la raison, le tour original des pensées, la liberté et l'aisance avec lesquelles elle touchait en les effleurant les plus hautes questions, tout cela piquait la curiosité du comte, tenait son attention en haleine et l'attirait par un charme irrésistible. C'est assez de peinture pour aujourd'hui, dit à la fin Faustine en se levant de devant son chevalet et en refermant son carton. Maintenant, monsieur le comte, ajouta-t-elle, je vais vous montrer le paysage que vous m'avez demandé à voir. Elle ouvrit un autre carton et en tira une grande feuille qu'elle étendit sur le chevalet. Le voilà. Asseyez-vous à ma place pour l'examiner plus à votre aise. Mario obéit. Le paysage qu'il avait sous les yeux représentait une montagne aride dominant la mer et au sommet de laquelle s'élevaient un pin et un bouleau. Ce dernier était dégarni de feuillage. Il semblait agiter dans l'air ses branches nues et dépouillées. Et l'on eût dit que son tronc blanchâtre tremblait de froid sous un sombre ciel d'hiver. Le pin déployait au contraire le vaste dôme de ses branches, au-dessus desquelles blanchissait une légère couche de neige. La mer battait avec fureur le pied de la montagne et se perdait à l'horizon. Toute cette scène avait un caractère de morne tristesse et de désolation. « À présent, dit Faustine, lorsque Mario eut contemplé assez longtemps ce paysage, voulez-vous voir comment les lieux changent avec les saisons ?» Elle tira du carton une autre feuille qu'elle substitua à la première. C'était la même montagne, c'était les mêmes arbres, mais quelle différence d'aspect le printemps leur avait donné sous la main du peintre. Les rochers naguère si arides laissaient croître dans leurs interstices des mousses, des lichens, des bruyères, qui les recouvraient d'un tapis chatoyant. Le pin était plus vert et plus touffu que jamais. Le bouleau, chargé d'un feuillage tremblant et mobile, flottait au souffle de la brise qui parfois le rendait tout bouffant et tout hérissé. Parfois, le découpait en longues et pâles guirlandes. La mer, étincelante aux rayons du soleil levant, caressait amoureusement la rive. Le ciel était joyeux, comme la terre. « Eh bien ?» demanda Faustine, après avoir laissé quelque temps le comte livré à une contemplation. « Vous avez raison, madame, » répondit enfin celui-ci d'un ton pénétré. Les sites changent d'aspect avec les saisons. Je vous félicite, vous êtes un peintre habile. Vous savez saisir une idée et la rendre sensible aux yeux en la revêtant de poétiques couleurs. J'aime ces deux paysages. Vous étiez triste en faisant l'un, vous étiez heureuse en dessinant l'autre. N'est-il pas vrai aussi que les sites changent d'aspect selon les dispositions qui nous animent ? Oh, qu'un tableau dit de choses aux rares initiés qui comprennent cette langue mystérieuse. Feldern et une foule de gens, connaisseurs ou non, ne verraient là que des arbres, des couleurs, des lignes. Pour apprécier une peinture, il faut mieux que du goût et du jugement, il faut de l'âme. En ce moment, Clément Baldorf, auquel on ne songeait guère, parut à la porte de l'atelier. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit-il avec embarras, « c'est le domestique qui m'a conduit à cette porte. » Puis, comme personne ne lui répondait, il se glissa derrière Mario et jetant les yeux sur le paysage que celui-ci tenait encore, « Oh, il me semble que je reconnais cet arbre, par le ciel. C'est justement le pin du jardin d'Oberbaldorf. Vous l'avez esquissé un jour à la hâte, je suis content. Très content qu'il soit resté dans votre souvenir quelque chose de votre séjour au château, ne fût-ce que l'image d'un arbre. Oui, en vérité, cela me fait le plus grand plaisir. » Il se frotta les mains d'un air joyeux. Faustine ne répliqua pas. Elle invita du geste les deux jeunes gens à sortir avec elle de l'atelier. Un moment après, ils partirent ensemble. Mais descendus dans la rue, ils se séparèrent aussitôt. C'est qu'ils éprouvaient déjà l'un pour l'autre une mutuelle antipathie. Clément détestait Mario, dont les manières plus distinguées et l'esprit plus policé l'offusquaient. Mario ne voyait plus dans Clément qu'une espèce de grossier campagnard sans culture et sans éducation. Leur antipathie avait encore une cause plus forte. Ils aimaient Faustine. Feldern, suivant sa promesse, pria la comtesse Obernau de vouloir bien recevoir Charlotte et s'offrir de temps à autre ses visites. « Très volontiers, » répondit Faustine. « Je suis même fort obligée à Mademoiselle von Stein de ce désir qui me flatte. »« Je suis sûr, » dit Feldern, « que votre société la guérira de sa sensibilité maladive et la rendra plus raisonnable. »« Entendons-nous bien, monsieur le baron, » répliqua la comtesse, en attachant sur lui un regard perçant. « Si vous avez calculé que je plaiderai votre cause et travaillerai dans votre intérêt, détrompez-vous. Je ne m'engage à rien. Vous savez que je ne suis pas femme à parler contre ma conviction. Si par hasard on me consulte, je dirai franchement mon avis. Dût-il vous être défavorable ?»« Mais, madame la comtesse, le sera-t-il réellement ?» demanda Feldern, sérieusement inquiet de ce préliminaire. « C'est selon. Je verrai Charlotte, je sonderai ses sentiments et je me déciderai en conséquence. » Il fallut que Feldern se contentât de cette déclaration peu rassurante. Il promit que Charlotte viendrait à Dresde dès le lendemain pour la voir, et Faustine, dont la sympathie était vivement excitée en faveur de la jeune fille, attendit cette présentation avec toute son impatience naturelle. Faustine remerciait le ciel d'avoir renoncé à l'isolement. Mario venait la visiter chaque jour. Si elle l'eût permis, il serait venu d'heure en heure. C'était pour elle une ressource précieuse. Mieux que personne, il savait la comprendre. Il savait la suivre dans ses entretiens plaisants ou sérieux, l'exciter à parler par les idées qu'il lui suggérait, et l'intéresser même quand elle n'était pas de son avis. Présent, Mario avait le don de la captiver. Absent, elle pensait beaucoup à lui. Plus même qu'elle ne voulait se l'avouer. Était-ce à dire qu'elle l'aima ? Non. Du moins, elle ne soupçonnait rien de semblable. Elle n'interrogeait pas son cœur, bien convaincue qu'une seule image n'avait point cessé et ne cesserait jamais de la remplir, et sur cette assurance, elle s'abandonnait sans méfiance au charme qu'avait pour elle la présence et la conversation de Mario. Clément Waldorf était aussi assidu, mais on ne le recevait pas avec autant de plaisir que celui qu'il regardait déjà comme son rival. La comtesse, pendant les dernières semaines de son séjour à Oberwaldorf, avait enfin ouvert les yeux sur les sentiments qu'elle lui inspirait. On a vu qu'elle s'était aussitôt appliquée à les combattre et à les détruire en évitant de l'encourager et en ne laissant au jeune homme aucun espoir. Elle se persuadait que ce remède, qui à la vérité réussit souvent, avait dû avoir un plein succès, et lorsque Clément se présenta à elle à Dresde, elle le croyait entièrement guéri de son fol amour. Aussi ne trouva-t-elle aucun inconvénient à l'admettre dans son petit cercle d'intime et à l'introduire dans quelques salons où il pourrait prendre ce vernis d'élégance et cette habitude du monde qui lui manquait. Mais elle s'abusait complètement et elle ne tarda pas à s'en apercevoir. Clément était toujours le même. La solitude où il avait vécu après le départ de Faustine avait fourni un nouvel aliment à sa passion. De longues rêveries, le désœuvrement, l'absence de toute distraction avait encore exalté son âme, déjà si romanesque. Il ne voulait qu'une chose, c'était qu'elle se laissât aimer de lui, qu'elle le souffrît à ses côtés, qu'elle acceptât le don de son cœur et lui permît de vivre uniquement pour elle. Dans ses dispositions, il avait quitté Oberwaldorf et était venu à Dresde. Là, Faustine lui apparut sous un aspect nouveau et non moins dangereux pour sa tranquillité. Il la vit, non plus telle qu'elle s'était offerte à ses yeux dans la retraite et la liberté des champs, mais fêtée, admirée, applaudie, l'ornement de ses réunions brillantes, où, perdue dans la foule, il la contemplait de loin. Les hommages dont elle était l'objet, l'envie des femmes qui étaient jalouses de sa beauté et de son esprit, l'empressement des hommes à lui parler et à attirer son attention, tout cela achevait de tourner la tête au pauvre étudiant. Il commença à rougir de sa gaucherie et de son manque d'usage. Il se compara aux autres jeunes gens, au comte de Mengen surtout, Il eut la conscience de son infériorité. Il devint jaloux autant qu'il était épris. Il devint irritable, maussade, boudeur, insupportable enfin. Sa présence était un fardeau pour Faustine. Elle eût voulu se débarrasser de lui, mais le pouvait-elle? N'était-il pas le frère du mari de sa sœur? Parfois, quand il se trouvait seul avec elle, il lui parlait d'un ton si pénétré et si soumis qu'elle en était touchée et le lui laissait boire. Mais aussitôt Clément, que ses encouragements transportaient hors de lui, changeait de manière et de langage. Elle était forcée de le rebuter de nouveau et d'employer contre lui l'arme du ridicule. Sur un homme susceptible et ombrageux comme Clément, ce moyen produisait toujours le plus grand effet. Mais il y avait des moments où il se montrait tout à fait ingouvernable. C'était lorsqu'en sa présence, Faustine et Mario s'engageaient dans une de ces conversations pleines d'allusions et de mots à double sens qui effleurent une foule de sujets et dont la contexture est si déliée, où les transitions sont tellement imperceptibles qu'il faut, pour les saisir, un esprit vif et de l'habitude. Clément, alors, après des efforts inutiles pour suivre les deux interlocuteurs, frappait du pied le parquet ou donnait d'autres signes d'impatience. Ces scènes désagréables se renouvelaient souvent et jetaient Faustine dans un embarras extrême. Heureusement pour elle, Clément se mit en tête d'étudier la peinture. Son projet était sans doute de se donner des occupations et des goûts en rapport avec ceux de Faustine. Quoi qu'il en soit, elle gagna à cet arrangement un peu de répit et de tranquillité, car Clément l'obséda beaucoup moins. Mais la société nouvelle qu'il fréquentait n'était pas de nature à lui faire contracter des manières plus élégantes, au contraire. Clément, en véritable étudiant de l'université d'Iéna, fumait, buvait de la bière, chantait des chansons bachiques et nationales. L'exemple de ses amis les peintres aidant, il chanta, but et fuma davantage. Au jour indiqué, le baron von Stein amena sa fille Charlotte chez la comtesse et l'y laissa, annonçant qu'il viendrait la reprendre dans la soirée. Faustine lui fit l'accueil le plus affectueux. Une douce émotion animait ses traits et brillait dans ses yeux. Jamais elle n'était plus belle que lorsqu'elle était ainsi. Elle semblait alors se couronner comme d'une auréole. On eût dit une espèce de transfiguration. Charlotte, qui pourtant l'avait déjà vue, recula d'abord de surprise à son aspect, puis elle se jeta dans ses bras. Ces deux jeunes femmes, se tenant entrelacées, formaient un groupe charmant. Charlotte, avec sa noire chevelure encadrant son pâle et mélancolique visage, ses yeux languissamment baissés, sa bouche sérieuse qui depuis longtemps avait désappris à sourire, représentait l'image de la nuit. Faustine, au contraire, était resplendissante comme le jour. Un sculpteur eût réussi à retracer la tête de la première. Un poète seul pouvait peindre la seconde et rendre l'expression véritablement idéale de sa beauté. C'était la poésie avec toutes ses délicatesses et toutes ses nuances. C'était la passion avec toute son énergie, c'était l'imagination avec toutes ses richesses. On vante les mystères de la nuit. Le jour n'a-t-il pas aussi ses secrets? Par une belle journée d'été, levez les yeux et fixez-les dans le bac du firmament. Un voile transparent, moitié or, moitié azur, flotte sans cesse devant vos regards et vous dérobe la vue de l'infini. Telle était Faustine. Une atmosphère lumineuse l'environnait. Son visage, où se lisaient tant de choses, en annonçait une foule d'autres qui restaient cachées. Charlotte céda peu à peu à l'influence de ses paroles affectueuses, de ses douces caresses. Elle lui ouvrit son cœur comme à une confidente, à une amie, et il lui raconta avec une touchante simplicité son histoire. Elle lui dit que 4 ans auparavant, elle avait été fiancée à Feldern, mais que, jeune comme elle était alors, elle n'avait aucune idée de l'engagement qu'on lui faisait contracter et n'éprouvait pour le baron ni aversion ni amour. Que maintenant, il lui inspirait un éloignement invincible, qu'elle l'estimait, mais ne pouvait se résigner à devenir sa femme, quoique ses parents la persécutassent à ce sujet. « Ils disent, ajouta-t-elle tristement, que je suis folle, capricieuse, ridicule. Mon Dieu, je suis faible, voilà tout. La vie qu'il me faudrait mener m'effraie. Je sens que ce fardeau serait trop lourd pour moi, et je refuse de m'en charger. » « Et je vous approuve, » s'écria Faustine avec entraînement. « Être unie à un homme que l'on n'aime pas, c'est un sort affreux, et puisque vous ne pouvez aimer Feldern, vous faites bien de ne pas vouloir de lui pour époux. Vous, folle, vous, capricieuse, ma chère Charlotte, non, non, vous êtes clairvoyante. Vous n'avez pas cédé aux suggestions, aux vœux de votre famille, et en cela, vous avez fait preuve de fermeté. Votre famille a tort, vous seul avez raison. Ah, si toutes les jeunes filles qu'on marie contre leur gré avaient votre courage. Mais dites-moi, vous êtes-vous expliqué aussi franchement avec M. Feldern ? Oui, plusieurs fois, mais il ne me comprend pas, il ne peut me comprendre. Je crois que les hommes ne possèdent pas notre délicatesse de perception, qu'ils ne sentent pas comme nous. Non, pas tous, du moins. Mais quand un homme... Et ici, Faustine reporta sa pensée vers Andlau. Quand un homme se prend à aimer, ce qui arrive plus souvent que les femmes ne veulent en convenir, quand il aime d'amour, il acquiert la délicatesse de perception de la sensitive. Il s'affecte d'un regard, d'un mot, d'une inflexion de voix. Les nuances les plus légères ne lui échappent plus. Il les saisit toutes. Il est heureux ou malheureux d'un rien. Mais pour cela, il faut qu'il aime véritablement, passionnément. Voyez-vous, Charlotte ? L'amour est comme l'anneau de Jemshid. Il fait comprendre toute chose. Cependant, reprit Charlotte, M. Feldern prétend avoir de l'amour pour moi. Oui, répliqua Faustine, qui parut agitée par de pénibles souvenirs. Je le crois, c'est possible. Les hommes aiment de tant de manières. Il y a tant d'amours différents. Les uns rendent heureuses et fières celles qui en sont l'objet, les autres. Tenez, Charlotte, je n'en dirai rien car j'aurais trop à dire. Et Faustine pressa convulsivement ses deux mains contre son front et baissa la tête sur sa poitrine. Au bout d'un instant, elle la releva et écarta de chaque côté les boucles de cheveux que ce mouvement avait fait tomber sur son visage. Ses traits avaient repris leur calme aussi promptement qu'ils l'avaient perdu. Elle souriait comme auparavant de son sourire bienveillant et spirituel. Seulement, une larme tremblait encore au bord de sa paupière. Témoin de ce brusque changement dans l'humeur et dans les traits de la comtesse, Charlotte en était étonnée et presque effrayée. Faustine s'en aperçut. « Ce n'est rien, mais vous le voyez, ma chère Charlotte, j'ai les nerfs très irritables. Parlons de vous, de ce qui vous préoccupe. Quelle sera votre position dans votre famille si vous rompez votre engagement avec Feldern ?»« Elle sera très malheureuse, » répliqua Charlotte. « Je serai probablement forcée de quitter la maison paternelle, car ma mère n'est pas accoutumée à ce qu'on lui résiste. »« Est-ce possible ?» s'écria Faustine. « Que deviendrez-vous, ma chère enfant ?»« Je l'ignore. Je n'ai pas d'appui, pas d'asile. Mon avenir est comme une nuit sombre. Quoi que je décide, il me faudra lutter et souffrir. Mais mariée à M. Feldern, je souffrirai encore davantage. Oh, ciel ! » dit la comtesse. Que l'intérieur d'une famille si calme, si heureux à la surface, renferme donc de douleur et de peine. La conversation se continua longtemps de la sorte entre les deux amis, car elles s'aimaient déjà comme si leur connaissance eût daté de plusieurs années. Charlotte, en recevant des applaudissements pour sa conduite, des marques de commisération pour sa position malheureuse, se sentait renaître. La réserve glaciale dont elle avait contracté l'habitude se fondait peu à peu. Elle s'animait en parlant, elle souriait quelquefois, et déjà elle paraissait tout autre. Elle passa le reste de la journée près de Faustine. Elle chante avec elle au piano, non plus de cette voix sans expression que Mario avait entendue, mais d'une voix pleine d'âme et d'énergie, et comme on chante lorsqu'on se sent vivement ému. Faustine l'écoutait avec une sorte de dévotion, car tout sentiment vrai était pour elle respectable et sacré. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait faire pour procurer à Charlotte un asile et lui garantir quelque indépendance. Elle se demandait si Andlau ne serait pas mécontent de son intervention dans une affaire aussi délicate, si Feldern n'aurait pas à se plaindre de sa trahison, lui qui l'avait chargé en quelque sorte du soin de ses intérêts. Il est vrai qu'elle l'avait averti de la ligne de conduite qu'elle suivrait à cet égard, mais était-ce bien agir en ami ? Comme Faustine se posait ces questions à elle-même, Feldern se fit annoncer, et elle pensa aussitôt qu'elle s'expliquerait ouvertement avec lui à cet égard. Quant à Charlotte, elle n'eut pas plus tôt entendu le nom de Feldern qu'elle se leva précipitamment et regarda autour d'elle comme si elle eût cherché à se cacher. « Mon père ne revient pas, » murmura-t-elle avec anxiété. « Pourquoi n'est-il pas de retour ici ?» Heureusement pour elle, le baron von Stein entra presque en même temps que Feldern. Faustine crut devoir insister pour que Charlotte reste avec elle toute la soirée. Mais Charlotte avait hâte de partir. Elle demanda seulement à la comtesse la permission de revenir quelquefois partager sa solitude, et cette permission obtenue, elle entraîna son père hors de l'appartement et de la maison. Felderne, dans la précipitation de cette fuite, avait trouvé à peine l'occasion d'échanger un salut avec sa fiancée. « Eh bien, » demanda-t-il tranquillement à la comtesse lorsqu'ils furent seuls, « que dites-vous de Mademoiselle von Stein ?»« Qu'elle est aussi aimable que belle et pleine de sensibilité, » répondit Faustine. « De sensibilité. Elle en a beaucoup. Et de l'esprit, de l'âme. Je suis charmé de la connaître. Eh bien, je suis fort aise d'apprendre tout cela. Mais dites-moi de grâce, persiste-t-elle dans sa folie ? Quelle folie ? Cette idée fixe, qui lui est venue de rompre un engagement contracté depuis 4 années, et cela sans motif plausible ou même spécieux. Monsieur Felderne, ce que vous appelez folie de la part de Charlotte, je l'appelle sagesse et prudence. Quoi, madame ? Repartit Felderne, étourdi de cette déclaration. Vous aussi, vous vous tournez contre moi ? Je ne me tourne pas contre vous, mais je me range du côté de Charlotte. Je ne vous donne pas tort, mais je lui donne raison. Croyez-moi, monsieur Felderne, ce n'est pas trahir vos intérêts que de servir les siens. Je ne vous comprends pas beaucoup. Je vois seulement qu'elle vous a gagné à sa cause. Je crains, madame la comtesse, que vous n'ayez confondu ici je ne sais quel vague mysticisme avec les tendances positives et naturelles du cœur, le sentimentalisme avec la vraie sensibilité. N'ayez pas cette crainte. Charlotte ne se montre ni mystique ni sentimentale. Son esprit est aussi sain, sa détermination aussi judicieuse que le comporte son âge. Elle ne peut pas épouser un homme qu'elle n'aime pas. Je trouve qu'elle fait bien. Qu'elle n'aime pas ? Qu'elle n'aime pas ? Répéta Felderne avec humeur. Mais pendant 4 ans, elle a eu devant les yeux la perspective de l'épouser, et cette perspective, elle ne l'a point repoussée. Pendant 4 ans, elle a accepté cet homme pour époux. Dites que pendant 4 ans, la conscience de son erreur s'est peu à peu développée en elle. Est-ce qu'il devrait être permis aux femmes de commettre des erreurs semblables ? Ne peuvent-elles savoir quand elles aiment ou qui elles se sentent portées à aimer ? Il paraît que non, répondit tout doucement Faustine, d'un ton moitié plaisant, moitié sérieux. On se trompe quelquefois là-dessus. C'est déplorable, continua Felderne avec une exaspération comique. Mon cher monsieur Felderne, ajouta la comtesse. Les erreurs de ce genre ne sont jamais permises aux femmes, mais on les leur pardonne toujours. Felderne eut l'air de réfléchir. « Il est certain, dit-il enfin en soupirant, que je ne prétends pas l'épouser malgré elle. « Vous ferez bien à votre tour, répondit Faustine. « Mais que deviendra-t-elle ? Quelles seront les suites de sa résistance aux ordres de ses parents ? Trouvera-t-elle un mari à la hauteur de ses poétiques conceptions ? Se donnant-elle à un homme indigne de la posséder ? » Ainsi, Felderne se familiarisait déjà avec l'idée de renoncer à Charlotte et de l'avoir mariée à un autre. C'était beaucoup de gagner, et la comtesse en applaudissait tout bas, car s'il abandonnait sa poursuite, le ressentiment de la famille de Charlotte en serait d'autant plus facile à fléchir. Faustine n'oublia rien pour le convaincre de la nécessité de cet abandon. Ils étaient engagés tous deux dans une conversation des plus confidentielles, lorsque Clément entra, sans se faire annoncer, dans la chambre. Il avait les traits plus animés que de coutume. Sa mise, qui n'était jamais remarquable par l'élégance et le bon goût, trahissait ce jour-là un certain désordre. Évidemment, Clément venait de quitter à l'instant même ses amis les peintres et les étudiants. Il avait la tête légèrement échauffée. Il jeta, en entrant, un regard de colère sur Felderne, un autre de reproche sur Faustine, avança un fauteuil, s'y laissa tomber lourdement et croisant ses longues jambes. « Je vous dérange peut-être » dit-il d'un air sardonique. « Oui, » répondit sèchement Faustine, que cette façon d'agir avait offensé. « À Dieu ne plaise !» s'écria Felderne, qui avait un fond de politesse inépuisable. « Notre entretien peut se reprendre dans une autre occasion, un autre jour. »« Très bien alors, » continua Clément. « Je me suis présenté aujourd'hui 3 fois à votre porte, comtesse Faustine, à 12h, à 14h et à 16h. Et 3 fois, je n'ai pu obtenir la faveur d'être admis. Vos domestiques prétendaient que vous n'étiez pas chez vous. Ma foi, en passant tout à l'heure devant la maison, j'ai vu de la lumière à vos fenêtres et j'ai forcé la consigne. » « Par Dieu, je m'attendais presque à ce que vous me diriez, je n'y suis pas. »« Vous vous trompiez, monsieur, » répliqua la comtesse sans paraître s'apercevoir de son impertinence. Felderne, dont toutes les notions d'urbanité et de savoir-vivre étaient déroutées, ouvrait de grands yeux et demeurait muet d'étonnement. Faustine commença à l'entretenir de divers sujets en évitant d'adresser la parole à Clément ou même de le regarder, et en agissant comme s'il n'eût pas été dans la chambre. Cependant, Clément, ainsi mis de côté, roulait des regards effarés autour de lui. Le sang-froid et la mémoire lui revenaient. Quelques instants avaient suffi pour le dégriser complètement. Il était fort embarrassé de ce qu'il avait fait et plus encore de ce qu'il devait faire. « J'espère, madame la comtesse, que vous n'avez pas été malade, » dit-il timidement en se jetant à travers la conversation. « Non, monsieur, je vous remercie, » répondit Faustine avec froideur, mais sans colère. Et il reprit son entretien avec Feldern. « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu Lady Géraldine ?» demanda-t-elle à celle-ci. « Je l'ai rencontrée dernièrement à un bal où elle a fort diverti la société par l'excentricité de ses manières et de sa toilette. Jamais on n'avait vu sur la tête d'une femme une telle profusion de plumes et de rubans. Quant à ses manières... »« C'est une étrangère, monsieur Feldern, » interrompit Faustine avec intention. « Nous devons avoir pour elle de l'indulgence, et d'ailleurs les usages de son pays ne sont pas les nôtres. Gardons notre blâme pour ceux d'entre nous qui oublient qu'ils sont nés de nobles familles et appartiennent par leur origine et leur éducation au monde comme il faut. Une lady anglaise, quoi qu'elle fasse, et peut-être à cause même de ce qu'elle fait, est toujours une lady anglaise. C'est une sorte de privilège national. Mais que dire d'un noble allemand qui contracte et porte dans le monde le langage et les manières d'un garçon cordonnier ? » Feldern ne jugea pas à propos de répondre à cette phrase. Il se hâta de prendre congé et Faustine demeura seule avec Clément. Clément était pourpre de colère et de honte. Il restait opiniâtrement assis et comme cloué sur son fauteuil. « Monsieur le baron, je vous souhaite le bonsoir, » dit Faustine en se levant. Clément tressaillit. « Monsieur le baron, est-ce à moi qui... Mais sans doute, c'est à vous que je m'adresse. À moi, bon Dieu, que vous ai-je fait pour que vous me traitiez comme un étranger, pour que vous me chassiez de votre présence quand je ne vous ai pas vu depuis 2 jours ?» « Je ne vous chasse pas, monsieur Clément. Je vous renvoie, car il est tard. »« Ah, je vois trop que j'ai eu le malheur de vous déplaire, de vous offenser. Vous êtes irrité contre moi. »« Irrité, non, peiné et attristé pour vous-même. Oui, votre inconvenance de tout à l'heure. »« Il fallait m'arrêter au premier mot, me réprimander, me rappeler à l'ordre. »« Avec quel plaisir et quelle docilité je vous obéirais en pareil cas. »« Pardon, monsieur Clément. » Vous m'imposez là une tâche peu agréable et très fatigante. Vous tombez si souvent en faute. Et de plus, l'homme qui a sans cesse besoin qu'on l'avertisse et qu'on le redresse finit bien vite par devenir insupportable. Ainsi donc, vous m'abandonnez à moi-même, reprit Clément avec tristesse. Profitez pour vous corriger de l'exemple des autres. C'est une excellente école. Ah, vous êtes bien cruel. Cruel parce que je refuse le rôle de pédagogue que vous m'offrez. « Je vous aime. » Faustine se hâta de l'interrompre. « Vous savez, monsieur Clément, ce que je vous ai dit à ce sujet, » répliqua-t-elle. « Il est donc inutile d'y revenir. »« Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Clément en se tordant les mains. « Ne pouvez-vous faire une exception en faveur de... Et de qui, s'il vous plaît ?»« De quelqu'un qui vous aime ardemment. »« Cela ne suffit pas. Il faut encore que je l'aime. »« Et vous ne m'aimez pas ?» En prononçant cette phrase qui avait l'accent d'une question, Clément se hasarda à consulter le visage de Faustine. Il la vit si calme, si tranquille, et en même temps si froide, que sans attendre la réponse à sa demande, il sortit en murmurant « Elle ne m'aime pas, par le ciel, je crois qu'elle n'est pas capable d'aimer ».